Regarde autour de toi. La majorité de notre jeunesse écume les rues, en quête de drogue, de sexe et de violence. Elle croit que ces choses-là n'ont pas de réel effet sur sa vie. Les crimes sont sans réelle punition. Une génération insensible, sans souci de l'autre, sans connaissance de soi. Voilà l'avenir de notre nation, l'avenir de notre peuple. Penses-tu que la haine et le mal vont rester impunis? Le monde ressent à présent la chaleur d'un feu que les hommes ont fait brûler depuis le début de la civilisation. Les mauvais de ce monde ont employé toutes les méthodes possibles pour tromper ses habitants. Et à chaque fois, avec un plus grand succès encore que prévu. Sans vérité, rien n'est sacré. Le mensonge, c'est là qu'est la force du mal. Et ça, mon frère, tu le sais bien, puisque c'est pour ça que tu es là.